Chapitre 5e, 3e nuit. La gigue se termina, il était tard. Il avait attendu en vain un coup de téléphone de Marie. Christophe posa ses dossiers, éteignit la platine laser, rangea le disque de Bach. Le sommeil semblait arriver à ce moment-là. C'était toujours comme ça. La fatigue ou le sommeil se manifestaient au moment opportun. Il fallait dormir, il était minuit, et demain tôt, il y avait le compte-rendu à BG. Sans information supplémentaire, le rendez-vous se présentait mal. Il fallait penser à autre chose pour s'endormir. En quoi Marie avait-elle influencé sa vie, sa façon de voir les choses et ses habitudes? C'est elle qui lui avait conseillé d'acheter une platine laser. Une sacrée bonne idée. Le soir, il profitait de la musique dans une atmosphère qu'elle avait créée. Il changeait tous les jours de tenue parce qu'elle y avait fait allusion. Elle lui avait offert une cravate qu'il caressait et mettait à chaque occasion. Il soignait la qualité de ses vêtements et avait obtenu de Martin l'adresse de son magasin préféré. S'il ouvrait ses volets le matin, alors qu'il faisait encore nuit quand il partait, déjà nuit quand il rentrait, pour faire vivre son appartement, c'était elle. Il l'avait écoutée attentivement et suivie scrupuleusement. Plus réceptif au réveil, il traînait le matin. Il avait engagé une femme de ménage quelques heures par semaine. Il avait installé un miroir dans l'entrée. Il prenait de temps en temps un jour de congé pour s'occuper de lui. Et puis, il y avait tous ses conseils qu'il gardait en réserve et qui occupaient amoureusement son esprit. Mettre un rideau entre le vestibule et le salon. Se faire installer un meuble surmonté d'une vitrine cachant le radiateur. Partir une semaine en thalassothérapie. Tout ce qu'elle disait était inscrit dans son livre d'or. Il aurait aimé consulter celui de Marie, s'il existait. Finalement, il mit du temps à s'endormir. Il s'en voulait de son inefficacité du jour. Martin avait eu raison de le secouer. Il fallait vivre dans la réalité commune. Il repassa en revue les événements de la journée, comme le faisaient les policiers célèbres dont il avait lu les exploits, et s'endormit enfin en imaginant les empreintes digitales d'un enfant. Le petit garçon demande « Quel âge as-tu, toi, monsieur ?»« Moi, je ne sais plus. Je ne me souviens que d'une année, mais je dois en avoir d'autres. » Le petit garçon chante avec sa petite voix aiguë. On ne comprend pas ce qu'il chante, mais c'est doux et mélodieux. Sa bouche bouge, mais on a l'impression que sa chanson sort de ses yeux et de sa tête aussi bien que de ses lèvres. Des notes de piano l'accompagnent. Il les entend, il sourit et tout devient bleu. Et maintenant, on voit les notes. Elles sortent bien de sa bouche, telles des baisers qu'il nous envoie. Elles sont colorées. Je ne savais pas que cela pouvait exister. Je n'en avais vu que des noirs et des blancs jusque-là. Il y en a des jaunes et des roses, et puis des bleus et des rouges, seuls ou en grappes. Elle se déplace avec grâce sur des portées invisibles qu'il a tissées et qu'il semble contrôler avec ses doigts. Il fait danser aux notes une sorte de valse, et puis les fait sauter comme sur un élastique. Elle monte lentement, presque au ralenti, et puis retombe doucement sur les fils invisibles. Les moins belles, mais elles sont rares, tombent à côté et disparaissent à jamais. Il ne reste que les parfaites, les plus nombreuses. L'arc-en-ciel de sa voix me remplit de bonheur. Et maintenant, c'est une femme qui chante. Ce sont des mots d'amour et une musique langoureuse qui caresse la peau et les oreilles et qui fait frémir doucement. On a envie de se coucher sur cette chanson, de se recouvrir de ces mots pour avoir chaud au cœur. C'est une chanson que l'on écoute pour la première fois, mais qui semble familière, avec des images et des couleurs connues et rassurantes. La femme est belle et blonde, et son regard est rempli de tendresse. Il y en a pour l'un et puis pour l'autre, pour vous et même pour moi, qu'elle ne connaît pas, je crois. Elle chante doucement, presque lentement, pour que chacun l'entende et la comprenne et l'aime. Elle est debout, face au monde. Non, il y a quelqu'un derrière elle, que personne n'avait remarqué qui la regarde. Un rictus diabolique aux lèvres lève son bras et lui défonce le crâne. Il pleut. De grosses gouttes tombent. Elles sont si grosses qu'elles doivent faire mal, d'ailleurs. On entend des cris. Elles sont de formes variées, allongées ou rebondies, avec des densités différentes, comme si elles portaient chacune leur propre message. On dirait qu'elles se parlent entre elles, ou plutôt qu'elles essaient toutes ensemble de nous dire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Il nous manque une clé. Parfois, un courant d'air, arrivant d'on ne sait où, siffle et les fait danser. Alors c'est une cacophonie qui s'installe, avec les sons aigus et tranchants des gouttes qui s'entrechoquent. L'écran est rempli de gouttes. Il y en a partout. Le caméraman remonte son objectif pour trouver les nuages qui les distribuent ainsi. Il remonte, remonte, sans que l'on sache si son mouvement prend du temps. On ne voit que de l'eau qui tombe. Et puis, soudain, apparaissent deux yeux mouillés. Les nuages sont humains. Ils sont gris et même noirs. Mais ce sont ceux d'un homme. Et les gouttes sont des pleurs. Et elles nous parlent de chagrin, chacune racontant un bout de l'histoire triste. Les gouttes se rassemblent, se mélangent et se multiplient, un cours d'eau née qui se transforme en fleuve qui court et se jette dans la mer. Le bateau blanc glisse sur cette mer très bleue, un peu plus sombre que le ciel, un peu plus remuant, montrant qu'elle vit. C'est un grand bateau luxueux, avec des passagers qui sourient, bavardent et emprisonnent un peu de soleil sur leur peau. Ils lèvent leurs verres et éclatent de rire, ou sont plongés dans la lecture d'un livre ou sont immobiles, les yeux fermés. Ils dorment, rêvent ou économisent un peu de leur vie. Ailleurs, ils jouent aux cartes, au billard, au ping-pong, où ils nagent, où ils s'aiment. Je suis comme un petit drone qui parcourt à toute vitesse ce beau bateau blanc. Je cherche quelque chose ou quelqu'un, mais je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas qui. Je vole de plus en plus vite, et j'ai du mal à distinguer ce qui se passe, mais il me faut faire vite, je le sais. Je fais toutes les cabines, tous les ponts, je fouille partout. Je demande aux gens que je croise, personne ne l'a vu, personne ne le connaît. C'est bien un homme que je cherche ainsi, et maintenant, l'obscurité arrive. Je ne le trouverai pas aujourd'hui. Pourtant, je suis sûr de l'avoir croisé et de ne pas l'avoir reconnu. Les soldats défilent, impeccables dans leur bel uniforme. Leurs pas réguliers résonnent et rassurent, car ce sont nos soldats qui sont là. L'ennemi est ailleurs. Chez lui ou tapis dans l'ombre, sous le soleil. Il n'y a que les nôtres, nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants. Ils sont beaux et se ressemblent, sortis du même moule quelques heures auparavant. Pourtant, en regardant mieux, on perçoit quelques différences. Un plus ou moins grand enthousiasme, quelques signes de lassitude et plusieurs classes d'âge. Un gros plan permet de distinguer chacun d'eux. Ils ont chacun un nom, un prénom, une histoire, des projets peut-être. Il y a des yeux bleus, des marrons, des verts, des doux, des durs, des tendres, des ironiques. Et il y a, juste là, des yeux vides, en acier, inhumains, ou plutôt déshumanisés. Ils n'ont pas toujours été vides. Ils ont été remplis d'images de l'enfance et de l'adolescence, de l'amour et de l'amitié, de l'espoir et de la désillusion. Et puis est venu le sang, celui de ses ennemis, et ensuite celui de ses amis, de ses frères les plus proches, presque de ses enfants. C'est le sang qui a vidé ses yeux. Il en a aspiré toute la substance, petit à petit, goutte après goutte. Le sang noir ne quitte pas seulement le corps qui saigne. Il quitte aussi le regard des autres. Maintenant, je le regarde au travers d'une loupe, et je vois que ses yeux sont remplis de petites crevasses, un peu comme une surface lunaire. Il est le seul à connaître l'histoire de chaque explosion, le nombre des victimes, la circonférence et la profondeur de chaque cavité. Et puis, je l'observe avec un microscope, et je vois que certaines crevasses sont plus profondes et que l'explosion a touché le cerveau. Certaines zones seulement, les zones roses de l'amour, elles sont bien endommagées. L'essentiel existe toujours, mais bien caché, et le chemin d'accès tortueux peut être perdu à jamais. L'espace se remplit de gris, d'un gris d'acier qui fait mal avant même d'avoir frappé. Il est uniforme, d'un bout à l'autre de l'univers. Tout est gris, vivant mais gris, mais vivant aussi, vivant, oui, vivant.